الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد, ce document contient une traduction de quelques passages d'un épître important intitulé فتاوى نادرة لثلاثة من كبار علماء مصر في التحذير من حسن البنا وحزب الإخوان المسلمين. Des fatwas rares de trois parmi les grands savants d'Égypte en mise en garde contre Hassan al-Banna et le parti des frères musulmans. Épître recueilli et commenté par Cheikh Abu Abd al-A'la, Khalid bin Muhammad Uthman al-Misri, qu'Allah le préserve. Le premier savant, Cheikh al-Muhaddith Ahmed bin Muhammad Shakir, rahimahullah, il dit, le mouvement de Hassan al-Banna et ses frères musulmans qui avaient mué et transformé la prédication islamique en une prédication criminelle destructrice, financée de la part des communistes et des juifs, comme nous le savons d'une science certaine. Le deuxième savant, Cheikh Mohammed Hamid Al-Fiqhi, rahimahullah. Hassan al-Banna visita le Cheikh Mohammed Hamid Al-Fiqhi, rahimahullah, au sein du siège du groupe de Ansar al-Sunnat al-Muhammadiyya, le groupe des alliés de la Sunna de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le siège situé au quartier de Ad-Damalisha, à Abidin, numéro 10, depuis quelques 60 années. Hassan al-Banna proposa à Cheikh Hamid de coopérer ensemble dans l'appel à Allah. Cheikh Hamid l'interrogea, sur quelle base et quelle méthodologie veux-tu coopérer? Al-Banna répondit, quand on appelle les gens à l'islam, note du traducteur, remarquez combien cette réponse est vague et politique. Elle est inadéquate par rapport à la question. Cheikh Hamid dit, tout le monde prétend appeler à l'islam. Cependant, nous avons été ordonnés d'appeler à la croyance islamique correcte, à l'aqid al-islamiyya sahiha, fondé sur le monothéisme pur, al-tawhid al-khalis, et le désaveu de l'associationnisme, al-bara'a min al-shirk. Et c'est à cette croyance que tous les messagers, que le salut soit sur eux, avaient appelé. Et à leur tête se trouve le dernier envoyé, Muhammad, que la prière et le salut soient sur lui. Al-Banna répliqua, que nous réunissons d'abord les gens autour de l'islam connu de tout le monde, et ensuite, nous les appellerions au monothéisme. Cheikh Hamid al-Fiqhi, rahimahullah, lui riposta, c'est plutôt que nous les appelons au tawhid, en premier lieu, à l'instar de ce qu'avait fait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, au début de sa da'wa à la Mecque. Al-Banna réagit, si nous appelons les gens au tawhid, ils vont se disperser de nous et nous quitter. Note du traducteur, méditez bien sur cette réponse de Al-Banna, sur cet aveu où il y a de l'effronterie quand il ose se détourner de la da'wa du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et deux, quand il lui préfère sa da'wa sectaire, sa hizbiya puante, afin de rassembler les gens de toutes les croyances autour de son parti politique de trouble. Cheikh Hamid al-Fiqhi rahimahullah lui répondit, il n'incombe pas à toi de les guider, c'est Allah qui guide qui il veut. Le Cheikh rahimahullah fait ici allusion à un verset de Al-Qur'an al-Karim. Le troisième savant, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab al-Banna rahimahullah, il avait dit, et le premier à avoir initié l'innovation de se rebeller contre les gouverneurs à l'époque actuelle était Hassan al-Banna, et ce par le biais des manifestations et des coups d'État. J'étais encore jeune quand Hassan al-Banna était apparu sur scène et avait fondé le parti des frères en ruine, Hizb al-Ikhwan al-Muflisin. Je côtoyais les jeunes des traîtres, Shabab al-Khouan, quand j'avais à peu près 9 ans, jusqu'à ce que le Cheikh rahimahullah avait dit, et Al-Banna s'asseyait avec ceux qui interpellaient autre qu'Allah. et lui demandez secours, c'est-à-dire faisait al-istighatha shirkiya. Ainsi que ceux qui prétendaient que le prophète aurait été créé de lumière, et ceux qui suspendaient des talismans et des amulettes. Et Sayyid Sa'd lui disait, il disait à Al-Banna, il lui disait, est-ce que ceux-ci ne relèvent pas du shirk? Pourquoi tu ne leur interdis pas? Alors Al-Banna lui répondait, plus tard, ce n'est pas encore le moment. Alors il lui dit, et si tu meurs avant de leur avoir enseigné, comment serait ta situation devant Allah? Al-Banna lui répondit alors, je saurai comment répondre. Nom du traducteur. Remarquez quelle insolence et quelle effronterie il y a dans cette réponse. Cheikh Mohammed Al-Banna, rahimallah, continue. Alors, Sayyid Sa'd avait délaissé Al-Banna une fois pour toutes. Et Cheikh Al-Banna continue. Cheikh Mohammed Al-Banna, le salafi, il continue. Et parmi les théorisations corrompues de Hassan Al-Banna, le fait qu'il disait que tous les groupes s'affiliant à l'islam sont dans le vrai. C'est pourquoi son parti réunissait entre le soufi, le chiite, le kharijite et le sharite. Fin de la citation de Cheikh Mohammed Abdelwahab Al-Banna, rahimahullah.